Secret, mardi 6 janvier à 10h. De ne pas avoir peur de perdre. En s'extériorisant comme ça, en faisant de l'art, en faisant peu importe ce qu'on fait dans la vie, t'sais, de toujours être fidèle. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les Oreilles ailleurs. C'est la première de 2015. À mon tour, après Sandra qui est à la fin de son émission, si vous étiez là, vous a souhaité une bonne année 2015. À mon tour d'en faire autant. Et cette année, elle débute en Pologne. Nous serons en Pologne pour toute l'émission cette semaine. La première pièce, c'est de Gaba Kulka, une chanteuse qui est fort agréable à voir en scène. Enfin, il suffit de fouiller un peu sur Internet et on trouve plusieurs pièces d'elle. C'est une chanteuse qui a collaboré avec beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens aussi, dont son père. Son père s'appelle Konstanty Andrzej Kulka. C'est un violoniste réputé. C'est un professeur aussi à l'Académie musicale de Chopin à Varsovie. D'ailleurs, on peut les voir ensemble dans la chanson London Selling Calling. London Calling. Cherchez ça, vous allez voir. C'est de toute beauté de voir le père et la fille ensemble. Surtout le regard qu'ils ont à la toute fin de l'interprétation. La carrière de Gaba Kulka a pris son envol en 2009 avec la sortie de l'album Hat Rabbit, qui a été disque d'or dans son pays. Disque d'or, je crois que c'est 250 000 ventes et plus. C'est une chanteuse qui passe facilement du jazz à l'électro-ambiant, en passant par la musique de cabaret. Bref, une chanteuse très éclectique, mais qui réussit quand même à demeurer très personnelle dans sa démarche artistique. D'elle, on va écouter Kroletsvo et Paul, qui est tiré de l'album Verger, sorti en 2013. Tout de suite ensuite, on va écouter une pièce interprétée en 2012 lors d'un festival dont je vais vous parler après l'écoute de la pièce, parce que les trois autres chansons vont provenir d'un autre enregistrement lié au même festival, mais en 2014. Pour le moment, sachez que la chanteuse s'appelle Iza Kowaleska, et le groupe Musicotherapia, un réputé critique polonais de jazz, mais aussi amateur d'une émission sur radiojazz.fm. Maciej Nowosny a dit de cette chanteuse que sa voix n'était pas forte, mais qu'elle avait beaucoup de personnalité. On commence avec Gaba Kulka. Się w ramionach wiatraków policyjne. Ostrzeżenie za wycieraczką rąk czy chromaku mówi: zabrania się opuszczać pole bitwy, zanim bestia padnie. Nakazuje się toczyć bitwę czysto i dokładnie. Znudziły mi się waszych smoków powtórki. Zgadzam się, zrobię co chcecie. Za królestwo i półcórki. Za królestwo i półcórki. Za królestwo i półcórki. Yeah. roczną radą. Wszystkie wasze bajki, wszystkie wasze bajki pachną mi tą samą gorzką zdradą. Znudzimy mi się waszych smoków powtórki. Zgadzam się, zrobię co chcecie. Za królestwo i po córki, za królestwo i po córki, za królestwo i po córki. Zły czar, zdejmij ze mnie, gdy obudzę się. Nie warto ginąć, się. Nie każdy warkocz zwierzy księcia nosić chce. Nie strasz mnie, nie boję się. Znudziły mnie wasze wróżki ośne, skórki i kopciuszki. Mam już go. Zrobię co chcecie. Afrobeatu, okulary. Założyłam na ciebie zwariowane okulary. Zobaczyłam jak ultra fioletowe banany przedłużają me palce kolorami marzeń. Powtarzałam dla ciebie popularne słowa, bakaliami delikatnie posypałam sylaby, aby nie popadły w kłopoty banału. Czekam tu na ciebie, na zwrotniku Wenus. Komplementy zamień w pocałunku bilet. Czekam tu na ciebie. Słomkę widziałam, jak mój winylowy krajobraz okazał się nielegalną okolicą. C'était le groupe Musicothérapia dans la chanson, attendez un petit peu que je retrouve le titre, Oculari, O-K-U-L-A-R-Y, Musicothérapia, ben oui, ça veut dire thérapie musicale, et c'est donc une chanson qui a été interprétée en 2012 lors d'un festival. Je vous ai dit avant, si vous étiez là, que j'allais vous en parler. C'est un festival qui a débuté en 2010 en Pologne. C'est un festival qui s'appelle... En fait, c'est une série de spectacles dans le cadre d'une série de concerts comme je vous le disais, a débuté en 2010, qui s'appelle le Mesquier Crani. En fait, ça se traduirait par jouer au masculin, mais en fait, il n'y a pas que des hommes qui participent à ce festival. Il y a aussi des femmes, mais il y a des femmes depuis 2012, justement, depuis qu'une chanteuse polonaise, dont j'oublie le nom, a été en charge d'organiser ce festival. Le festival, donc, qui se déroule dans de nombreuses villes de la Pologne. La première édition a été mise sur pied par une brasserie polonaise qui s'appelle Zilek, la brasserie Zilek. C'est une entreprise qui existe quand même depuis 1852 en Pologne. C'était à l'époque de l'Empire austro-hongrois, pour les historiennes et historiens parmi vous. L'idée qu'a eu cette brasserie, c'est d'encourager les Polonais à découvrir des œuvres musicales alternatives. On va écouter trois pièces tirées d'un enregistrement fait cette année lors du concert, du concert final de cette tournée. D'abord, Mesquier Grani Orchestra, un orchestre formé spécifiquement pour cette tournée, avec Nathalie Groziak, la magnifique Nathalie Groziak, dans Iglos Sier. Ensuite, Arthur Rojek. Arthur Rojek, si vous avez écouté des émissions antérieures où j'ai parlé de ce chanteur alternatif polonais, il a, entre autres, créé le Festival Off en Pologne. Et on va l'écouter dans Zas Ktory Pozostal. Et finalement, on va écouter Kasia Nowoska dans Siema. On écoute donc ces trois pièces qui ont été enregistrées cette année lors du spectacle final de Mesquier Crani, la tournée Mesquier Crani, une tournée financé par la brasserie Zifiek en Pologne. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nawet jeśli to nie to, usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Na zawsze unieść sobą smutek chwili, daję słowo, nie pozwolę ci mnie opuścić, nawet gdybym miał się zgubić. Na zawsze zostać razem w milczeniu i bezwładnie mieć siebie, resztę spalić, aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami. Nawet jeśli to nie to, usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. On écoutait Kasia Kovaska dans la chanson Sie Siemnia. C'est elle, Kasia Kovaska, qui en 2012 a décidé d'introduire des chanteurs et des chanteuses alternatives qu'on a écouté du Mesquier Granier, qui est une tournée financée par une brasserie polonaise, Mesquier Granier, qui a lieu chaque année. Et c'est elle, Kasia Kovaska, qui en 2012 a introduit des chanteuses féminines dans cette tournée. On s'en va, on fait une brève pause musicale et au retour, je vous fais écouter Mela Kotluk. Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. C'est une attitude qu'on devrait peut-être adopter tout le monde. Notre amour est un tas de sombres qui m'empêche de respirer. J'en ai de poignées partout, de ma tête à mon ventre. Fanny Bloom se dépose à Sentier Secret mardi 6 janvier à 10h. De ne pas avoir peur de perdre. En s'extériorisant comme ça, en faisant de l'art, en faisant peu importe ce qu'on fait dans la vie, t'sais, de toujours être fidèle. Je vous avais promis une brève pause publicitaire. Elle était brève et ça me permet de vous dire en passant que CKRL, c'est votre radio. Donc, vous pouvez participer, vous pouvez devenir membre de CKRL, vous pouvez participer même au financement de CKRL en faisant un don. Ça nous est toujours bien précieux, vos dons. C'est très facile. Vous vous rendez sur le site www.ckrl.qc.ca et vous allez voir, tout est bien expliqué. Dès la page d'accueil du site de CKRL. Vous pouvez en profiter aussi pour écouter les émissions en podcast, en balado-diffusion, dont Les Oreilles Ailleurs. Vous cherchez dans la programmation Les Oreilles Ailleurs, vous allez vous rendre jusqu'à la page de l'émission. Vous avez les trois dernières émissions qui sont en balado-diffusion. Sinon, vous allez sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, où là, vous avez toutes les émissions depuis la première, le 29 décembre 2013. Je vous ai dit que si vous étiez avec moi en fin de première demi-heure, je vous ai dit que je vous parlerais, que je vous présenterais une chanteuse polonaise qui s'appelle Mela Kotluk. Mela Kotluk a débuté avec sa carrière en faisant des voix d'accompagnement pour d'autres vedettes polonaises, dont Gaba Kulka, qu'on a écouté en première demi-heure, au début de la première demi-heure de l'émission. Elle a été lauréate en 2013 dans les catégories début rock de l'année et artiste rock de l'année des prix Frédéric. En fait, c'est une récompense musicale annuelle en Pologne créée en 1994 quand même, donc il y a 20 ans de cela, qui équivaut aux Grammy Awards, pour vous faire une idée. C'est les Grammy Awards polonais. Gaba Kulka elle-même avait obtenu le prix Frédéric dans la catégorie chanteuse de l'année en 2010. La chanson qu'on va entendre, La Dzienko Drzwia, Zwa Nekesnie Mowia, est tirée de l'album Spadochron. C'est son premier album sorti en 2013. Tout de suite ensuite, on va écouter Snurowska du groupe alternatif Kapelanka. C'est un groupe formé en 2012. Il est formé de la chanteuse Anna Seman, du trompettiste Miki Kubicki, du guitariste Michal Paluk, du pianiste Kubaz Pospieslaski, du bassiste Varzek Topa et du batteur Kamil Zanuszek, et enfin de Matus Hulboj aux instruments électroniques. La chanson qu'on va entendre de ce groupe est tirée du EP High Score. Ensuite, on va enchaîner avec Zviat Tufajnie Zmijdje du groupe Wilki. Le groupe Wilki, c'est un groupe alternatif qui existe depuis le début des années 2000, ce groupe Wilki, W-I-L-K-I, un groupe assez populaire en Pologne. Voici d'ailleurs ce que disait le leader du groupe de leur style musical en 2003. Vila Varsovie a définitivement marqué notre musique et nos textes, et ça nous a aidé à trouver notre propre son. Je ne suis pas sûr que ce qu'on joue puisse être décrit comme du rockabilly typique ou du psychobilly. C'est tout ce qu'on aime dans la musique rockabilly, sans les clichés évidents et prévisibles que, personnellement, je trouve plutôt chiants. Leur dernier album, paru en 2014, démontre qu'ils ont, ma foi, très bien progressé dans leur propre style. Donc, on écoute Mela Kotlog. Ensuite, Kapelanka, et suivi du groupe, je vous ai dit Vilki, je me suis trompé, c'est le groupe Cometti. Cometti, la chanson est tirée d'un album Passofino, c'est un album paru en 2014, mais c'est un groupe qui effectivement roule sa bosse depuis le début des années 2000. Je vais vous présenter une chanson de Vilki après ces trois chansons. Zasklepionych rąk, czysty zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Pamięć chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie trać z oczu. Yeah. cicho zaraz stanie się. Ja przywiążę ciebie, a ty mnie. Bladzik łatcy nie tracący tchu, związani sznurówką z góry w dół. Anemiczni, symbiotyczni, lekko szklani my, pochłaniając się nawzajem kreujemy sny. Ciepli, mokrzy i zepsuci możemy się mieć. Usztywnieni i spokojni chcemy więcej chcieć. Chcemy chcieć. Stojąc tak bez ruchu i bez słów, odpływamy z tego świata znów. Nieświadomi realności chwil, dodajemy naszym ścieżkom mil. Zapadnięci i pomięci odrywamy się, żeby w końcu móc rozplątać ciasne dusze dwie. Czas rozerwać się od siebie i zapomnieć już, zetrzeć z naszych ususzonych serc przyległy kurz, zetrzeć kurz. Cicho, cicho zaraz stanie się. Ja rozwiążę ciebie, a ty mnie. Zimni metalowi obcy tak straciliśmy sznurówkowy smak. Twojej twarzy w moich dłoniach nie pamiętam już. Dzisiaj mogę tylko i wyłącznie myśleć cóż. Ciągle czuję słodki zapach naszych szklanych snów. Ja i tak cię kiedyś znajdę i przywiążę znów. Znajdę częściej patrzę w górę, coraz rzadziej w dół. Widzę żółte niebo przekrojone na pół. To pierwsze popołudnie w Warszawie od tygodnia. Bloki uginają się pod ciężarem chmur. Gęste powietrze leniwie wiruje. Nie potrzebuję dzisiaj już niczego oprócz ulicy Kasprowicza. Ile jeszcze uderzeń serca? Thank you. zbyt nieznane, ale zawsze powroty. Wieczne poczucie nieuchronności losu. Nici porozumienia nawiązywane w locie. Znam ją od niedawna, ale jestem przekonany, że gdyby mieszkała w Warszawie, to na pewno w jednym z bloków przy ulicy Kasprowicza. Ile jeszcze uderzeń serca? Le groupe Kometi, K-O-M-E-T-Y, dans la chanson Oulaka Kaprovisza, c'est tiré d'un album tout récent. L'album s'appelle Pasofino, P-A-S-O-F-I-N-O. Là, je vais vous présenter le groupe. J'avais tout mélangé tantôt si vous étiez là. J'avais dit que Kometi, c'était Vilki, mais ça n'a rien à voir. C'est deux groupes différents. Aussi bon l'un que l'autre, au fond. Vilki, c'est un groupe qui est quand même assez connu, assez populaire en Pologne. La chanson que je vous présente s'intitule Viat Tufajne Mischi. Et ça pourrait se traduire par Le monde est un endroit sympa. Vous allez voir toute l'ironie derrière ce titre. On les écoute. Yeah. świat to fajne miejsce i warto go chronić. Świat to fajne miejsce i warto go chronić. Świat to fajne miejsce i warto go chronić. Warto o niego walczyć. Hej, jara, hej, hej, hej, jara, hej, hej. Hej, jara, hej, hej, hej, jara, hej, hej. Hej, jara, hej, hej, hej, jara, hej, hej. Hej, jara, hej, hej, hej, hej. C'était le groupe polonais Wilki, un groupe alternatif polonais qui roule sa bosse depuis les années 1990. Un groupe qui s'est fait, défait, refait à deux, trois reprises et qui actuellement est actif. On va terminer cette chanson avec Patricia Kosiarkiewicz. C'est K-O-S-I-A-R. K-I-E-V-I-C-Z. Elle a sorti son premier album en 1997. L'album s'appelait Bajewski. La pièce qu'on va entendre, Zjedalnia, est tirée de l'album Moj Jezus Nie Pidja Koli. C'est un album paru en 2013 et on va se laisser là-dessus. Il y a l'émission de Michel Bonaparte, le Pic du Capricorne, qui suit tout de suite après... la pause publicitaire. Et moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ça a été un plaisir, encore une fois, cette semaine, de vous faire découvrir des musiques d'ailleurs dans le monde. Vous étiez en Pologne cette semaine. Au revoir. Thank you.